إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 38 dans l'explication du livre شرح عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Et on était en train d'expliquer dans les derniers cours le passage dans le livre de عقيدة أهل السنة dans lequel le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit « Wa huwa al-Ali al-Azim » et ça c'est après avoir expliqué que nous croyons que Allah Tout-Puissant est au-dessus de sa création par son être et ses attributs conformément aux paroles du Très-Haut « Wa huwa al-Ali al-Azim » et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Et donc on était en train d'expliquer ça et on a commencé à expliquer ce point depuis le cours 35 et là on est aujourd'hui au cours 38. Donc le cheikh maintenant donc il a expliqué plusieurs choses au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création et qu'il est al-ali, c'est-à-dire le très haut, al-a'la, le plus haut, au-dessus de sa création. Et donc on va continuer dans l'explication de ça, et le cheikh il dit, en revenant maintenant au verset, après avoir mentionné plein de preuves au sujet de Al-Ulu, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de sa création telle qu'il lui convient, hein, et sans aucune ressemblance ou comparaison avec les créatures, il dit wa qawluhu ta'ala wa huwa al-aliyyu, hein, fa al-aliyyu sifatun mushabbaha. فالصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار فهو العلي علوا لازما ذاتيا ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة حتى لو قلنا إنه ينزل إلى سماء الدنيا فإن ذلك لا ينافي علوه لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته وقوله العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك وقوله وهو القاهر فوق عباده. Donc le cheikh il explique, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa huwa al-aliyyul azim, et c'est le verset 255 à la fin de sourate al-Baqara, à la fin de ayatul kursi, wa huwa al-aliyyul azim, il est le très haut, le très grand. Et le cheikh il explique que al-ali c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un attribut qui est permanente et qui fait partie des attributs de son être. Elle est toujours attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie de son être, il est toujours élevé il est toujours au-dessus de tout et c'est une des attributs de sa personne qui reste toujours qui reste toujours présente en lui subhanahu wa ta'ala. Et même lorsque le cheikh dit, même si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, chaque nuit, eh bien, malgré qu'il descend au dernier des cieux, il est toujours au-dessus de sa création. Il est toujours élevé et au-dessus de tout, malgré sa descente. Parce que rien n'est comparable à lui, et rien ne lui ressemble dans tous ses attributs. Et lorsqu'il dit Al-Azim, Al-Azim, c'est-à-dire celui qui est le très grand. Il n'y a rien qui est plus grand que lui. Et sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est plus grand que lui dans son autorité, dans son royaume, dans sa puissance, dans sa force et dans tous ses attributs. Le cheikh, il dit ensuite, le verset suivant, et sa parole, وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Et la traduction de ça, et il est le dominateur suprême au-dessus de ses créatures, et il est le sage, celui qui est parfaitement informé. Et donc le cheikh, il explique ce verset, qui est le verset dans Surat Al-An'am, le verset 18 dans Surat Al-An'am, il dit wa huwa al-qahir fawqa ibadihi, al-qahir ay al-ghalib fawqa ibadihi wa hiya fawqiyatun ma'nawiyatun dhatiyah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le dominateur au-dessus de ses créatures. Il est au-dessus de ses créatures. Et Al-Qahir, ça veut dire Al-Ghalib en arabe. Al-Ghalib, c'est celui qui est dominateur, qui a le dessus, qui prend le dessus sur tout. Et il est au-dessus de ses créatures, au-dessus de ses serviteurs. Et cette façon d'être, yani cet attribut, ici, de Al-Fawqiyya, le fait d'être au-dessus, c'est quelque chose qui est relié également à son être, puisqu'il est Al-Ali, il est le Très-Haut, il est au-dessus de sa création. Ensuite, le Cheikh, il mentionne, il explique l'autre partie, « Wa huwa al-Hakim al-Khabir »« Qawluhu wa huwa al-Hakim al-Khabir »« Fal-Hakimu dhul-Hukmi wal-Hikmah » وأما قولنا ذو الحكم فمعناه أن الله له الحكم كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون وحكم الله نوعان كوني وشرعي ومثال الكوني قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يحكم. فهنا حكم كوني أي يقدر لي ذلك. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أي حكمه الشرعي. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون شرعا ومن أحسن من الله حكما شرعا. أما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فشرعا وكونا. دونك le cheikh, il explique ici que lorsqu'il explique, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Al-Hakim, Al-Khabir. Et on l'a traduit en disant que c'est lui qui est le sage et celui qui est parfaitement informé. Sauf qu'on a expliqué déjà dans les cours précédents, et le cheikh il le répète encore maintenant, que Al-Hakim, ça veut pas seulement dire celui qui est sage, mais ça veut dire deux choses. Dhul-Hukmi, celui qui détient le jugement, et Al-Hikma, la sagesse. Donc c'est les deux ensemble. Celui qui détient le jugement et celui qui détient la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient le jugement. Et c'est lui qui juge. Hein, c'est lui le meilleur juge. Et il cite les versets dans Surat Al-Qasas, le verset 88, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. C'est-à-dire, à lui appartient le jugement. Et c'est vers lui que vous allez retourner. Hein, c'est vers lui que vous serez retournés ou ramenés. Et il dit que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, hukmullah, il est de deux catégories. Donc il y a un jugement qui est kauni et un jugement qui est shara'i. Qu'est-ce que ça veut dire kauni? Qu'est-ce que ça veut dire shara'i? Kauni, ça fait référence à al-kaun. Hein? Al-kaun. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça fait partie de sa création. Kun fayakun. Al-kaun. Kauniyya. Donc, c'est-à-dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Hein. Donc, kauni, ça veut dire qu'est-ce qui fait partie de sa création et de sa prédestination. Et shara'i, ça veut dire qu'est-ce qui fait partie de sa révélation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son jugement est de deux catégories. Son jugement dans la création et dans ce qu'il a décrété et prédestiné dans la création et shara'i, c'est qu'est-ce qu'il a légiféré, qu'est-ce qu'il a révélé dans ses révélations à ses messagers. D'accord? Al-kawni, le jugement d'Allah qui est kawni, on le connaît par qu'est-ce qu'on constate de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète dans la création et qu'est-ce qu'on voit se produire devant nos yeux tous les jours, hein, dans la création d'Allah. Que ce soit en accord avec ce qu'il a révélé ou non. Que ce soit quelque chose que Allah aime ou quelque chose que Allah n'aime pas. Ça c'est kauni. Ça fait référence à ce que Allah a créé dans la création et qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et qu'est-ce qui se produit? Peu importe que Allah l'aime ou que Allah ne l'aime pas. Ça c'est kauni. Shara'i, ça fait référence à ce que Allah a légiféré et a révélé comme jugement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut connaître par la révélation seulement. De ce que Allah aime. Uniquement. Hein? Et de ce qu'il a interdit. De ce qu'il a ordonné. Et de ce qu'il a interdit dans sa révélation. Donc c'est ça la différence entre les deux. Le jugement qui est kauni, c'est dans la création et dans la prédestination, que ce soit aimé d'Allah ou non. Et le jugement qui est shar'i, c'est le jugement qui est connu par la révélation d'Allah, hein, et par la législation divine. Qui est révélé par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes. Et ça, c'est ce que Allah a ordonné ou ce qu'il a interdit de ce qu'il aime uniquement. Parce que Allah n'ordonne que ce qu'il aime et il interdit ce qu'il n'aime pas. D'accord? Donc, le cheikh, il donne des exemples de chacun des deux jugements. Le jugement dans la création. Il dit, c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 80, dans Surat Yusuf. Et on va lire ensemble qu'est-ce qu'il mentionne dans ce verset 80 dans Surat Yusuf. Il dit, فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. Donc il dit, je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou jusqu'à ce que Allah juge en ma faveur. Et il est le meilleur des juges. Il dit, ça c'est le jugement dans la création et dans ce qu'il a prédestiné. Yahkum Allah, ici c'est le jugement dans ce qu'Allah a prédestiné dans la création. C'est-à-dire que ce qu'Allah a prédestiné pour moi, soit que mon père me le permette ou que Allah subhanahu wa ta'ala le décide pour moi et en juge pour moi. En ce qui concerne le jugement dans la révélation, il donne l'exemple des versets 10 dans surat al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وهو العليم الحكيم. Et c'est le verset 10 dans Al-Mumtahana. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous, et Allah est omniscient et sage. Et il cite également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْرُونَ dans surat al-Ma'idah. Est-ce le jugement de l'ignorance qu'il recherche? Est-ce le jugement de l'ignorance qu'il cherche? Et qui est meilleur qu'Allah en juge, en jugement? Et qui est meilleur qu'Allah en jugement? Donc ici il fait référence au jugement dans la révélation. Et également dans le verset 8, dans surat At-Tin, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. N'est-ce pas qu'Allah est le meilleur des juges, ou le plus sage des juges? Et ici, il parle des deux, du jugement dans la création et du jugement dans la révélation. Les deux réunis. Donc le shaykh, il dit, عَلَى كُلِّ حَالٍ الحكم كوني وشرعي أما الحكمة فتكون في الكون وتكون في الحكم الشرعي فما من حكم يحكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة تماما سواء كان هذا الحكم كونيا أو كان شرعيا. Donc le cheikh dit, donc De toute façon, on peut comprendre que le jugement d'Allah, il est soit dans la création, c'est soit un jugement ou un décret ou une décision que Allah a faite dans la création, ou bien par sa révélation et sa législation. Et il dit que, en ce qui concerne la deuxième signification du terme hakim, la première on a dit c'est le jugement, la deuxième signification du terme hakim c'est la sagesse. Et on a expliqué déjà dans les cours précédents que la sagesse c'est de savoir mettre les choses à la place qui leur convient. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse également est dans les deux catégories de jugement. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et tous ses jugements sont sages. Que ce soit des jugements dans la création et dans la prédestination, et de ce qu'il décide dans la création et dans la prédestination, ou que ce soit des jugements dans ce qu'il a révélé et dans ce qu'il a légiféré, dans ce qu'il a rendu obligatoire, ou dans ce qu'il a ordonné, ou dans ce qu'il a interdit, il y a toujours une sagesse, il y a toujours une raison qui est bonne et une raison qui est parfaite. La sagesse d'Allah, elle est toujours parfaite, elle est toujours complète. Et donc le cheikh, il dit, il n'y a pas un jugement d'Allah excepté qu'il est en accord avec une sagesse parfaite et complète et entière. Peu importe que ce jugement soit dans la création et la prédestination ou dans la révélation et dans la législation. Et il dit, وَمَا هِيَ الْحِكْمَةِ الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق بحيث لا يقول العقل ليته لم يوضع هنا، هذه هي الحكمة أو وضع الشيء في موضعه. Donc le cheikh il dit quelle est la sagesse, qu'est-ce que ça signifie? Et comme je disais tout à l'heure, le cheikh il a expliqué, il a dit la sagesse c'est de savoir mettre une chose à l'endroit qui lui convient parfaitement. C'est-à-dire de mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça la sagesse. Hein? De telle façon, de façon telle que quelqu'un ne va pas dire, ou bien quelqu'un ne va pas dire par rapport à sa logique, hein, ou de façon rationnelle, pourquoi cette chose-là, hein, pour, si seulement cette chose n'avait pas été placée à tel endroit, ou de telle façon, hein, quelqu'un va, c'est-à-dire la raison ne va pas dire à quelqu'un à propos de cette chose, si seulement cette chose n'avait pas été mise de telle façon, ou placée de telle façon, ou créée de telle façon, ou faite de telle façon. Donc la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Elle est complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a créé, dans tout ce qu'il a créé, on constate, hein, qu'il y a c'est rempli de sagesse. Tout ce qu'il a fait est rempli de sagesse. Et donc il dit, ثم اعلم أن الحكمة نوعان. النوع الأول حكمة حكمة كون الشيء على هذا الوجه. النوع الثاني الغاية من هذا الشيء. فالشيء فكون الشيء على هذا الوجه يعني صورة الشيء، فمعناه لماذا كان الآدمي قائما على قدميه ورأسه فوق وكانت البهائم بالعكس، ولماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهلم جرا وهو موافق تماما للحكمة. Donc le cheikh il explique que la sagesse, il dit, sache par la suite que la sagesse est de deux sortes. Hein? Il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse par rapport à la façon dont une chose est faite. Hein? Pourquoi elle est faite de telle façon? Ça, c'est une des facettes ou un des aspects par rapport à la sagesse. Pourquoi une chose, elle est faite de telle ou telle façon? Quelle est la sagesse dans le fait que une chose est créée de cette manière? Et de même que la deuxième catégorie ou la deuxième sorte de sagesse, c'est le but et l'objectif pour lequel cette chose a été faite. Donc vous comprenez maintenant les deux catégories de sagesse. La première, c'est pourquoi le commun, et la deuxième, c'est le pourquoi. Hein? Le commun de la chose. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses, et qu'il y a toujours une sagesse dans la façon, ou pour dans la raison, plutôt dans la façon, pourquoi la chose est faite de cette manière. Hein? Le fait que la chose soit de telle manière, faite de telle façon. Le cheikh il dit comme exemple, c'est-à-dire pourquoi une chose est formée ou a telle apparence ou telle forme. Et il dit donc, par exemple, pourquoi l'être humain il marche sur deux pieds et que sa tête est en haut, tandis que les animaux, c'est pas le cas. Les animaux ne marchent pas sur deux jambes ou sur deux pieds, et leur tête elle ne se trouve pas, hein, placée comme l'être humain en haut. Donc c'est pour dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça de cette façon, ou bien plutôt le fait que la chose, que Allah ait créé l'être humain de cette manière et l'animal d'une façon différente. On constate dans ça une sagesse, une grande sagesse. Pourquoi la nuit il fait noir et le jour il fait clair? Il y a une grande sagesse dans ça, et ainsi de suite. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, Yanni, avant l'islam, je lisais dans un livre, et puis il mentionnait les paroles de certains philosophes qui disaient, par exemple, pour mentionner les choses qui sont reliées à la sagesse, hein, nos yeux, hein, ils sont placés à l'endroit où ils sont, dans notre tête, notre nez, notre bouche, hein. Pourtant, ces gens-là, ils disaient, dans ce livre, ils disaient, mais, hein, nos yeux auraient pu être ailleurs, hein. Nos yeux auraient pu être dans nos mains, auraient pu être dans nos jambes, hein, ou même, notre nez, il aurait pu être ailleurs, hein. Mais, on voit que, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est placé les yeux là où ils sont, et le nez là où il est, et la bouche là où il est, non pas ailleurs, qu'il y a un bienfait là-dedans. Hein? Il y a une sagesse derrière ça. Imaginez, si on avait le nez dans le dos, hein, et les yeux dans les jambes, et la bouche, hein, je sais pas moi, ailleurs, ça aurait été compliqué, hein, et pas juste compliqué. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses d'une façon très sage et parfaite. Hein? Mais si tout était créé par hasard, comme les koufal, ils le disent, eh ben ce serait pas comme ça. Hein? On aurait un œil ici, le nez là, hein? Peut-être que les jambes et les bras seraient dans une autre position, une jambe dans le dos, hein? Un pied dans le ventre. Oui, ça c'est, si c'est comme tu dis, c'est ça, si ça arrive de cette façon, c'est comme tu dis, une malformation. Hein, c'est un genre d'infirmité ou d'handicap ou de, hein. Et souvent quand s'il y a un bébé qui naît mal formé de cette façon-là, il ne survit pas en général, hein. Il meurt à la naissance. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses avec perfection. Hein. Et le jour, pourquoi il fait clair, la nuit, pourquoi il fait noir, tout ça, il y a une sagesse dans ça. Et je pense toujours à plein de choses comme ça, je me dis, mais en même temps, tu regardes le ciel, le jour, et quand le ciel, le jour, tu regardes le ciel, il est bleu, hein, avec les nuages et tout, tu vois la beauté du ciel. Pourquoi c'est beau? Ça aurait pu être pas beau, hein. Même la nuit, quand tu regardes les étoiles, tout ce que tu regardes, comment Allah il a embelli le ciel. Et il le dit même dans le Coran, wa zayyana as-sama. Il a embelli le ciel, enjolivé le ciel. Ça veut dire qu'il a voulu que ce soit beau pour nous. Il aurait pu le faire pas beau. Il aurait pu le faire autrement. Mais il a voulu que ce soit beau. De même que toutes les choses qu'on mange et que Allah a créées pour nous et que ça a un bon goût, hein, ça a une saveur et c'est délicieux. On voit la différence quand quelque chose est bon et quand quelque chose est mauvais, quand on le goûte, hein. Et quand tu manges un animal, c'est pour ça que je dis, tu vois les gens qui sont végétariens par exemple, ils disent non, on n'est pas supposé de manger de la viande, on n'est pas supposé de manger des animaux. Et pourtant, quand tu le manges, tu vois à quel point c'est bon, hein? Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit bon. Hein? Il a voulu que ce soit bon, parce que sinon, on le trouverait pas bon. Combien de choses que lorsqu'on y goûte, on trouve ça vraiment dégoûtant au goût. Quand on les mange, on peut pas les manger parce que ça goûte trop mauvais. Exactement, c'est comme tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, hein, s'il aurait voulu il aurait fait la nuit tout le temps, s'il aurait voulu aussi il aurait fait le jour tout le temps, hein, mais il a voulu qu'il y ait le jour et qu'il y ait la nuit, hein, il y a dans ça une grande sagesse pour vous. Et il dit summa al-ghaya, maintenant on va regarder l'autre aspect par rapport à la sagesse, c'est-à-dire le but et l'objectif. C'est quoi le fruit qui découle de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré ou de ce qu'il a créé et décrété. Il dit ثُمَّ الْغَايَةُ مِنْ ذَلِكَ أي الثمرة وأضرب مثلا بالصلاة يعني كونها على هذا الوجه حكمة فقيام فقيام ثم ركوع ثم خرور للسجود هذه حكمة فينتصب الإنسان أولا ثم يكون بين القعود والانتصاب في الركوع ثم يسجد ولماذا كانت تقطع على وتر لأن الله تعالى وتر ثم ما الغاية من هذه الصلاة يعني تكفير الخطايا وتقسيمنا للحكمة إلى غاية وصورية لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة بهذه الصورة المعينة فهي حكمة والدليل هو الواقع فمن حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة وكون ثمراته حكمة أخرى وما الفائدة لأجل أن نعرف أن حكمة الله أن حكمة الله واسعة وليس أن تحصل الغاية على أي صفة كانت بل على صفة مربوطة متناسبة أو مناسبة وانظر الآن إلى الوضوء مكفر للخطايا ولكن تكفيره للخطايا في حال السبرات أشد وأكثر إذن فهو التناسب إذن فالحكمة لها متعلقان المتعلق الأول له الحكمة لها متعلقان المتعلق الأول كون الشيء على هذا الوجه والثاني الغاية منه donc le cheikh il dit en ce qui concerne le but et l'objectif le fruit qui en découle Eh bien, il donne un exemple par rapport à la salat et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré la salat de la façon dont il l'a fait. Et donc, tu vois que lorsque tu commences ta prière, tu es debout. Ensuite, tu t'inclines. Ensuite, tu te penches pour la prosternation. Et ça, c'est une sagesse. Hein? Et donc, l'homme, il est debout en premier. Puis après, il est assis. Hein? Puis, il se redresse après le recours. Puis il se prosterne. Hein? Donc, le cheikh, il dit, il y a une sagesse dans ça. Hein? Et le but dans ça, c'est quoi? De cette salat, un des buts, c'est de faire en sorte que les péchés soient expiés. Il dit, le but pour lequel on a divisé c'est la sagesse en objectif. Et en forme ou en façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses parce que on en retire des fruits selon la différente forme et de même que selon le but aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait et les fruits qui en découlent selon la différente façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses tout ça c'est des choses qui indiquent qu'il y a une sagesse hein, derrière ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait Et la preuve de la réalité du fait que quand on constate qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans la création et comment il a fait les choses et comment il a créé les choses, on voit qu'il y a une sagesse dans la façon dont Allah a fait les choses. Hein? Et aussi, une autre sagesse, c'est le but, hein? Le bienfait qui en découle. Et c'est pour voir en fait que la sagesse d'Allah, elle est immense. Elle est vaste. Hein? Elle est immense et elle est vaste. Et il y a toujours une situation qui est reliée à une façon ou à une chose qui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la sagesse, elle est reliée à ces deux aspects-là. La façon dont la chose a été faite, puis le but pour lequel il a été fait. Et il dit, انظر وانظر إلى المطر الآن يروي الأرض فكونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذا هذا حكمة ولو كان يأتي على الأرض ماشيا لم يستفد أعلى الجبال منه ولو كان يصب صبا كأفواه القرب لتهدم البناء وتضرر الناس لكنه جاء رذاذا من فوق كل من فوق لكي يشمل كل الأرض وجاء رذاذا لأن لا يضر. Il dit, regarde par exemple la pluie qui tombe. Elle tombe de par le haut, elle vient du ciel, et elle tombe pas d'un seul coup, comme un torrent ou comme lorsqu'on renverse un seau. Non, elle tombe par des gouttelettes. Il dit, parce que si la pluie venait pas d'en haut, supposons que l'eau elle venait pas d'en haut sur la terre, supposons qu'elle arrivait par la terre, elle circulerait par exemple, l'eau circulerait comme ça sur la terre, eh bien c'est seulement les endroits qui sont plus bas qui pourraient être touchés par l'eau, tandis que les endroits comme les montagnes ou les endroits élevés ne pourraient pas être touchés par cette eau. Il dit par exemple aussi, si l'eau tombait d'un seul coup du ciel, comme lorsqu'on renverse un seau ou quelque chose comme ça, eh bien, ça détruirait les maisons, ça détruirait les bâtiments et ainsi de suite. Et ça ferait plus de tort. Ça inonderait la terre au lieu de l'abreuver et de l'irriguer et ainsi de suite. Donc il dit, ثم الغاية من انزال المطر غاية عظيمة ليس الانبات فقط بل والشرب أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فنبات الأرض والشرب وزوال الغبرة إلى غير ذلك من الفوائد الكبيرة. Donc le cheikh il dit, il y a d'autres exemples également parmi les objectifs pour lesquels Allah fait tomber la pluie. Il dit, parmi les exemples et les objectifs pour les raisons pour lesquelles Allah fait tomber la pluie, qui sont des raisons très importantes aussi, c'est pas seulement pour faire pousser les plantes. Il dit, par exemple, pour qu'on puisse boire de l'eau, Et il cite les versets 67 à 69 dans Surat Al-Waqi'ah. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage? Ou en sommes-nous les descendeurs? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre. Pas seulement pour abreuver, pas seulement pour faire pousser les plantes, mais aussi pour abreuver la terre. Et pour faire boire aux êtres humains de l'eau. Il dit, si nous voulions, nous la rendrions salée. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu, il aurait fait l'eau de pluie salée. Il a voulu que ce soit de l'eau douce. Il dit le cheikh, également, un des bienfaits de la pluie, c'est que ça nettoie la terre. Ça enlève la poussière. Et les saletés, ça fait beaucoup de bien aussi, pas seulement pousser ça fait pas seulement pousser les plantes. إذن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة والحكم إما كوني أو شرعي والحكمة إما في الغاية أو في الصورة ففي الغاية الثمرات وفي الصورة كون الشيء على هذا الوجه وهذا هو معنى الحكيم. Donc le cheikh dit donc, on peut dire que le terme ou le nom d'Allah, Al-Hakim, le sage, ça signifie le sage et ça signifie aussi le juge. Et quand on dit le juge, c'est-à-dire le jugement d'Allah qui est soit dans la création et dans la prédestination, ou dans la législation et la révélation. Et la sagesse d'Allah, c'est soit dans l'objectif et le but, ou soit dans la façon dont il a fait les choses. Et lorsqu'on regarde le but, ça nous indique les fruits qui en découlent et le bien qui en découle. Et lorsqu'on regarde la forme ou la façon comment Allah a fait les choses, eh bien ça nous indique justement la façon dont Allah les a créés et comment il les a bien créés et avec perfection, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est dans la signification du nom d'Allah qui est Al-Hakim. Fa'ida. قلنا إن الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية فهل ترجع للخالق أو المخلوق؟ الجواب ترجع للمخلوق والخالق، أما رجوعها للمخلوق فلكونها من مصلحته، أما رجوعها للمخلوق فلبيان كمال صفته وأنه لا يفعل شيئا عبثا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وفي آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وآية ثالثة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فالحكمة تعود على الخالق والمخلوق. Donc ici le cheikh il dit un point bénéfique ou important à mentionner. Si on demande, quand on dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien excepté pour une sagesse et pour un objectif ou un but, est-ce que ça retourne au créateur ou à la créature? Et le cheikh il dit la réponse, ça revient aux deux. Ça retourne aux deux dans le sens que ça retourne à la créature et au créateur. Il dit, en ce qui concerne le fait que ça revienne à la créature, c'est dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette chose pour une sagesse, et que cette sagesse-là, elle est pour son bien. Elle est pour le bien de la créature. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée quelque chose avec sagesse, la sagesse, elle revient à la créature dans le sens que Allah, il a créé ces choses de cette façon pour le bien des créatures. En ce qui concerne le fait que ça revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit, quand on dit que ça revient aux créatures, c'est aussi pour mentionner et pour clarifier la perfection de cet attribut, hein, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il ne fait rien sans raison ou en vain, hein, comme il le mentionne dans certains versets dans le Coran, le verset 38. Dans sourate Ad-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons créé les cieux et la terre, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, hein, par jeu, hein, ou la'ibin, c'est, yani, par le fait de vouloir jouer, yani, hein, comme loisir, hein, c'est pas un loisir ou, hein, un jeu pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Dans la traduction, ils ont dit, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux par divertissement ou par jeu ou par loisir. Non. Dans l'autre verset, le verset 85, dans sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Et nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, excepté en toute vérité. Hein? Allah l'a créé en toute vérité. Et le troisième verset, c'est le verset 27 dans sourate Sad, et nous n'avons créé les cieux et la terre, hein, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en vain. Hein? En vain. Ça, c'est dans sourate Sa'ad. Puis il y a un autre verset aussi, mais là, il ne me revient pas. Ayahsabul insan. Ayahsabul insan et un yutra kasuda. Non, ce n'est pas la même chose. En tout cas, donc, toute façon, ces trois versets-là, c'est ces trois versets qui indiquent ce point-là clairement. Donc, on voit que la sagesse, elle revient au Créateur, dans le sens que, hein, il est sage et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour une bonne raison et qu'il n'a pas fait ces choses-là en vain. Et revient en bien aux créatures également dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a créé? C'est pour le bien des créatures aussi. Et il dit wa qawluhu ta'ala al-khabir يعني al-alim lakin al-khabir akhass min al-alim likawniha tata'allaqu bi bawatin al-umur wa khafayaha فهي أخص من العلم. Des fois, on entend les koufars qui disent, par exemple, la terre est une poussière dans l'univers. Et ils disent, l'être humain est encore plus petit que ça. Hein? L'être humain est infiniment petit dans la grandeur de tout ce qu'on voit, des étoiles et des constellations et des galaxies, tout ça. Hein? Donc, eux, ils disent, étant donné qu'on est si petit, eh bien, ça veut dire que, selon eux, ça veut dire qu'on est un hasard, hein, et que, en même temps, si on est si petit, dans toute cette grande création, eh bien, pour eux, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas pour nous que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde. Ah ouais, les koufars, ils disent que, c'est pas pour nous que le monde est créé. Pourtant, quand on regarde tout ce qui est autour de nous, et même quand on regarde la grandeur de cette création-là, eh bien, on peut pas constater autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui est autour de nous. Et il dit même dans le Coran, sakhara lakum. Il a assujetti pour vous, hein, les choses. Donc, c'est-à-dire, il les a faites de manière à ce qu'elles soient, hein, là pour nous, pour notre service. Même quand on regarde le ciel et le fait qu'il l'a embelli, tu dis c'est immense, mais Allah il l'a embelli pour nous. Et en même temps, quand on regarde le ciel, on regarde la création, comment c'est immense, c'est vrai que c'est immense, et bien malgré ça, on dit ça nous fait voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que si celui qui a créé, hein, cette immense création et ce monde immense tel qu'il est, tellement qu'il est grand, hein, si il a créé ça de cette façon, ça veut dire que lui il est encore beaucoup plus grand que ça. Et donc le fait de voir la grandeur de la création d'Allah, ça nous aide à comprendre la grandeur de son créateur, hein. Et donc on voit qu'il y a encore là une sagesse, hein, pour les créatures, dans le fait d'avoir créé le monde aussi grand. Hein? Et donc, et en même temps, tu vois comment il a assujetti la terre, et comment il a rendu la terre facile pour les hommes à, disons, habiter, et comment il est capable de circuler sur la terre, et comment Allah a assujetti aussi des animaux qu'il est capable de domestiquer, et d'utiliser pour son bien. Comment il peut cultiver la terre pour être capable de se nourrir. Tout ce que Allah a créé comme fruits, comme légumes, comme animaux qu'on peut manger, des choses qui sont présentes sur la terre. C'est pas un environnement hostile, hein. C'est sûr, quand tu dis, tu vas dans la jungle ou dans les endroits sauvages, tu dis, ah, là, c'est difficile, hein, dans des endroits comme ça. Mais, ça, c'est vrai que c'est des endroits, mais ces endroits-là, on va pas vivre là-bas. Et même, il y a des hommes, parmi les hommes qui ont habité dans ces endroits-là et qui ont su comment s'y adapter. Et comment survivre dans ces endroits-là, dans le désert, hein, où le désert où il y a pratiquement pas d'eau et où il y a pratiquement rien, et il y a des hommes qui ont réussi à s'adapter à la vie dans cet environnement-là. même dans les endroits où il fait extrêmement froid dans le nord de la terre, hein, et les hommes ont réussi même à s'installer là-bas et à s'adapter au climat froid là-bas. Et dans plein d'autres exemples comme ça aussi. Donc c'est pour dire, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a yani, fait en sorte que l'homme soit capable de profiter de tout ce qui est autour de lui et d'en bénéficier et de l'utiliser pour son bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, et ça il n'y a pas de doute. Et il dit wa qawluhu ta'ala al-khabir yani al-alim لكن الخبير أخص من العليم لكونها تتعلق ببواطن الأمور وخفاياها فهي أخص من العلم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également parmi ses noms qu'il est Al-Khabir. Al-Khabir, c'est celui qui est parfaitement informé. Et c'est un nom parmi les noms d'Allah qui correspond aussi au nom Al-Alim. Hein? L'omniscient, celui qui sait tout. Sauf que Al-Khabir est plus particulier que Al-Alim. Il est plus particulier, Al-Khabir, celui qui est parfaitement informé, que le nom Al-Alim, celui qui sait tout. Pourquoi ? Parce que Al-Khabir est relié ou se rattache à tout ce qui est caché comme information et comme chose. Hein? Tandis que Al-Alim, c'est quelque chose qui est plus général, qui concerne toutes les connaissances et toutes les choses, sans exception. Mais Al-Khabir, c'est par rapport à qu'est-ce qui est hein, caché et qu'est-ce qui est subtil ou qu'est-ce qui est difficile à voir ou qu'est-ce qui est à l'intérieur des choses. Donc c'est ça la différence entre Al-Khabir et Al-Alim. D'accord. Donc on va s'arrêter ici parce que là on est arrivé dans le livre, on est arrivé à l'explication du verset suivant qui est وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Donc le cheikh il explique ensuite que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé sur le trône, il s'est élevé au-dessus du trône. Yudabbirul amr, hein, c'est lui qui règle hein, et qui contrôle le commandement et qui contrôle toutes les choses. Donc ça, c'est un autre aspect qui va être clarifié dans la suite du livre. À propos de l'attribut d'Allah qui est Al-Istiwa. Hein? On a parlé de Al-Ulu. Al-Ulu, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Maintenant, on va parler de Al-Istiwa. Et ça, c'est une attribut qui est plus particulière que Al-Ulu, que l'élévation, parce que l'élévation, elle est générale. C'est-à-dire l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus de toute sa création. Tandis que Al-Istiwa, c'est particulier au trône, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'élève au-dessus du trône. Et ça, on va le clarifier et l'expliquer au prochain cours. On va commencer l'explication à ce sujet-là, et probablement que pour la même chose que Al-Ulu, on va mentionner des détails là-dessus. Et parmi les différences aussi entre on va expliquer les différences entre Al-Ulu et Al-Istiwa inshallah au prochain cours. OK, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.